Le professeur Burkhardt met en garde contre les vaccins anti-Covid mortels au Parlement régional de Saxe. Médecin et pathologiste réputé, le professeur Arne Burkhardt a déjà fait parler de lui en 2021 lors du congrès des pathologistes de Röntlingen pour ses contributions étayées au sujet des dégâts considérables causés par la vaccination anti-Covid. Le 7 mars 2022, il s'est exprimé au Parlement régional de Saxe lors d'une audition publique de la Commission des affaires sociales sur le thème « Y a-t-il nettement plus de décès dus à la vaccination que ce qui est officiellement connu ?» Selon Burkhardt, le résultat de ses recherches est indéniable et remet clairement en question l'obligation de vaccination anti-Covid. Découvrez maintenant quelques courts extraits de sa présentation. Eh bien, comment en suis-je arrivé à me pencher sur la question en tant que pathologiste proche de la retraite, et non pas à la retraite, il faut le noter. J'ai fait ce que j'ai fait pendant 40 ans. Lorsque des proches se sont adressés à moi en disant « Pouvez-vous réexaminer ce résultat? J'aimerais en avoir le cœur net. » Alors j'ai toujours dit « Bien sûr. » Et au début, il y a un an très exactement, de plus en plus de proches ont commencé à s'adresser à moi en disant « Je n'arrive pas à croire que cette personne de la famille, ma femme, ma fille, mon fils, soit décédé de mort naturelle. » Avec l'intention, en fait, de rassurer les proches, j'aurais aimé leur dire « Votre père est mort d'un infarctus, d'une pneumonie ou de quelque chose d'autre. » Mais rien que les 5 premiers cas ont donné des résultats si inquiétants que j'ai continué, et qu'un grand nombre de collègues spécialistes et scientifiques se sont joints à moi. Vous avez les données les plus importantes qui sont énumérées ici. Il est important de préciser que les examens ont été faits sur des personnes autopsiées, mais également sur des prélèvements d'organes vivants. Contrairement aux personnes décédées autopsiées à l'hôpital, où il s'agissait principalement de personnes décédées soudainement et sans aucune thérapie préalable. En d'autres termes, elles sont mortes simplement à la maison ou renversées par une voiture, ce qui nous permet d'exclure les effets secondaires des thérapies, qui sont surtout présents en cas de respiration artificielle. Et le résultat de nos recherches est résumé ici. Il s'agit de collectifs différents, car nous en sommes à différentes étapes de l'analyse. Voici donc 15 cas d'autopsie qui avaient déjà été examinés, 8 par la médecine légale et 7 par la pathologie. Dans tous les cas, la cause du décès était considérée comme incertaine et naturelle dans le diagnostic initial en médecine légale, en général sans examen histologique. Notre réexamen, en coopération avec plusieurs pathologistes qui ont fait leur analyse, a montré qu'il y avait avec la vaccination un lien très probable dans 5 cas, probable dans 7, possible mais pas clairement dans 2, et seulement dans 1 cas, on a pu affirmer qu'il n'y avait pas de lien. Qu'avons-nous trouvé? Les lésions vasculaires au niveau des petits et des gros vaisseaux, des modifications de la rate, une myocardite, qui est d'ailleurs désormais reconnue au niveau international, puis des pneumonies lymphocytaires, des accumulations de lymphocytes dans des organes non lymphatiques et des micro- et macro-embolies de corps étrangers non identifiés. Je veux juste ici vous montrer l'histologie pour vous prouver que nous avons bien ces préparations, la qualité de la projection ne permettant de toute façon pas une évaluation plus précise. Elles sont à tout moment à la disposition des pathologistes, des scientifiques et des profanes. Mes préparations sont à leur disposition. Quant à l'affirmation sur laquelle je ne dispose d'aucune preuve, il s'agit tout simplement d'une calomnie. Là, vous voyez 2 organes, une coupe du foie et de la rate, et vous pouvez constater que le foie ne présente pas de protéines spike. En revanche, pour la rate, c'est diffus, puis accentué dans ses structures circulaires. Ce sont les vaisseaux. Et voici un exemple qui montre combien c'est facile d'arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une cause naturelle de décès. Ici, nous avons une artère coronaire avec une thrombose, et nous avons aussi des altérations artériosclérose. Mais nous avons des inflammations. Ce vaisseau est enflammé et la thrombose est due à l'inflammation, et non à l'artériosclérose. Vous voyez en effet les infiltrats inflammatoires tout à fait à l'extérieur de l'anneau, et là aussi, nous avons pu mettre en évidence des protéines spike dans les myofibroblastes. Nous n'avons pas seulement examiné des personnes autopsiées, mais aussi des patients vivants. Ici, un homme de 22 ans, qui était auparavant en bonne santé, est arrivé avec ces altérations tout de même impressionnantes au niveau des jambes. Une femme de 43 ans, marathonienne jusqu'à peu de temps avant la vaccination, maintenant pratiquement grabataire et à peine capable de marcher. Et dans ce cas, nous avons un résultat radiologique, à savoir un doublement des vaisseaux, quelque chose que les radiologues m'ont dit n'avoir jamais vu auparavant. Cela signifie que, tout comme l'aorte que je vous ai montrée est divisée en deux parties, l'artère de la jambe est ici aussi divisée en deux. Voici l'infiltration de lymphocytes dans les méninges ou d'urmères. À gauche, normal. À droite, ces infiltrats qui ne se produisent pratiquement jamais ailleurs. En 40 ans, je n'en ai jamais vu. Et les petits vaisseaux dans le cerveau montrent également un relâchement et, comme vous le voyez peut-être, des infiltrats lymphocytaires dans la paroi. Et c'est là que des saignements peuvent survenir. Nous avons détecté ici aussi la protéine spike. Pour le souligner très clairement, nous avons également mis en évidence la nucléocapside. C'est-à-dire qu'ici, les cellules cérébrales sont incitées à produire la protéine spike. Personnellement, je préfère plutôt utiliser mes cellules cérébrales pour penser et je n'aimerais pas trop qu'elles produisent encore la protéine spike comme tâche annexe. Pour conclure, étant aussi dans la tranche d'âge à risque, j'aimerais vous dire que je préfère mourir à cause d'un virus loyal, que j'espère naturel, plutôt que d'un prétendu vaccin pour lequel, d'après les fabricants, on ne sait même pas en général dans quelles cellules ça se passe. Quand cette production de protéines spike serait éteinte? Et quelles sont ces substances non identifiées? Je vous remercie.